À la fin de 1943, Philippe Henriot, secrétaire d'État à la propagande et à l'information, prononce à Lille un discours public. Monsieur le préfet régional, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. J'espère que ce n'est pas un ministre que vous êtes venu avec tant de sympathies chaleureuses et émouvantes saluer aujourd'hui, ou du moins j'espère, j'aurais voulu de toute mon âme que la réunion d'aujourd'hui fût une réunion totale d'unité française. Je déplore certaines absences. Je regrette que certains aient cru devoir interpréter cette manifestation comme une manifestation politique. Je ne représente ici aucun parti. Mandaté à la fois par le chef de l'État et le chef du gouvernement, j'ai l'honneur et la fierté de représenter la pensée officielle de la France. Je regrette que certains qui dans d'autres circonstances n'ont pas eu les mêmes scrupules, aient cru devoir s'abstenir aujourd'hui sous prétexte qu'ils ne font pas de politique. Le jour où, en voyant son représentant au maréchal Pétain et à personne d'autre, il a marqué où était le gouvernement légitime de la patrie. Prenant facilement leur mécontentement pour base de leur jugement, ils sont portés à critiquer le gouvernement de leur pays en comparant toujours le sort qu'il leur est fait à celui qu'ils souhaiteraient et en oubliant toujours de le comparer avec celui qui serait le leur si ce gouvernement ne se trouvait là. On a salué tout à l'heure le maréchal. Si vous n'aviez eu pour vous défendre, mes compatriotes français, au lendemain d'une défaite dans laquelle tout le monde avait perdu la tête, que vos professeurs de patriotisme d'aujourd'hui abrités derrière les micros de Londres ou d'Alger, je voudrais bien savoir où vous en seriez. Vous qui m'écoutiez quand je parlais dans nos assemblées catholiques ou dans nos assemblées nationales, vous qui vous êtes ou secrètement, ouvertement dressé contre la politique du gouvernement et contre celui qui fut longtemps non seulement votre ami, mais votre porte-parole. Et je vous dis, voyons, alors qui aurait aujourd'hui la vérité, puisque je suis, comme les membres du gouvernement, une manière de traître et de vendue? À qui faut-il s'adresser pour penser comme il faut penser? À qui vous adressez-vous vous-même? Mais les hommes que nous avons combattus ensemble, les hommes que pendant tant d'années nous avons dénoncés comme préparant la catastrophe pour la France, les hommes qui l'ont en effet préparé et accompli. Par quelle espèce de sortilège incroyable sont-ils devenus aujourd'hui vos professeurs et vos maîtres? Et vous imaginez-vous que la trahison aurait ainsi brusquement changé de camp? Mais passez en vue leurs noms. Rappelez-vous, Pierre Cotte, Vincent Auriol, Pierre Bloch, André Marty, Fernand Grenier, voilà les hommes qui sont aujourd'hui à Alger, voilà les hommes qui sont vos professeurs de patriotisme, voilà les hommes à qui vous vous raccrochez, voilà les hommes de qui vous attendez le salut, pendant que vous osez prétendre que ceux qui depuis 3 ans acharnés à vous défendre et à vous sauver, malgré vous et contre vous, sont devenus, paraît-il, des traîtres à la cause nationale française. Les deux piliers de la propagande française, ce Ce sont deux paroles, dont l'une est du chef de l'État et l'autre du chef du gouvernement. Celle du chef de l'État que je vous ai sûrement citée l'année dernière parce que je la porte avec moi comme un viatique, c'est celle-ci. La vie n'est pas neutre. Elle consiste à prendre parti hardiment. Et peut-être, s'il y a eu jusqu'ici trop peu de correspondance entre l'opinion française et les consignes des chefs du gouvernement et de l'État, c'est que les habitudes de la démocratie française avaient enseigné à la faveur de mœurs électorales corrompues que la suprême habileté et la suprême prudence, c'est de ne jamais prendre parti. C'est que les Français avaient perdu jusqu'à ce courage de choisir qui n'a jamais été plus indispensable qu'à leur présence. C'est que mis en présence d'une nécessité de choisir, ils ne se guidaient plus sur les hautes raisons de l'intérêt national, mais sur des bas calculs de probabilité. À ça, est-ce que vous vous imaginez qu'ils me donnent le change, les gaullistes, les anglophiles, les américanophiles, mais qu'il y ait seulement tout à coup une éclatante victoire allemande et nous allons refuser du monde? Les Français qui ont pris position ont imaginé qu'on leur demandait de jouer au poker ou de jouer aux courses. Ils se sont dit, attention, avant de prendre parti nettement, choisissons bien le camp du vainqueur. Il y a des gens qui ne finissent jamais les guerres dans le camp où ils les ont commencées. Ils les ont commencées à moins d'avoir eu le temps de trahir deux fois. Et nous verrons bien d'autres retours encore. Prendre parti hardiment, des Français l'ont compris, de jeunes Français l'ont compris, qui ont volontairement tout quitté, tout abandonné, pour aller servir sur les fronts lointains une cause plus sacrée pour eux que celle de leur tranquillité et de leur vie. Votre amour propre saignait, vous avez cru que c'était votre patriotisme. Votre vanité était blessée, vous avez cru que c'était votre dignité, qui n'avait toute sa vie connu que des victoires et qui descendait des sommets de la victoire pour venir s'offrir en expiation de la défaite. Vous avez pensé que cet homme faisait ça par je ne sais quel sentiment d'intérêt personnel, de calcul, ou pour satisfaire à je ne sais quelle extravagante ambition. Mais ne réfléchissez-vous pas qu'il suffit de formuler ce jugement pour vous condamner vous-même, pour que vous vous aperceviez que vous avez raisonné au rebours du bon sens. Mais regardez ce qui se passe partout. Regardez le conflit polono-soviétique, ça vous paraît loin, mais c'est une épreuve, mais c'est un test permanent qui est sous vos yeux. Pourquoi a-t-on fait la guerre? Pourquoi M. Biddle à Varsovie et M. Bulik à Paris ont-ils précipité par les deux épaules, l'un la Pologne et l'autre dans la France, et l'autre la France, dans un conflit absurde et qui était perdu d'avance, comme l'a dit le maréchal? Pourquoi non? Parce qu'il ne fallait pas, au nom du droit, au nom de l'équité, que l'on touchât aux frontières de 1939 en Pologne. Et aujourd'hui que M. Staline déclare les frontières de 1939, on ne connaît pas. La question ne se pose même pas. Je n'accepte pas qu'on la discute dans des conférences internationales. C'est un problème qui ne regarde que moi. Et cette semaine, à la Chambre des communes, un député conservateur a demandé « Mais où en sommes-nous, nous Anglais, de nos engagements ?» Engagement pris par Churchill le 3 septembre 40. Engagement renouvelé par M. Eden le 30 juillet 41. Engagement renouvelé auprès du général Sikorsky. Quelle est notre position maintenant ? Et M. Eden, fort embarrassé, a dit « Au nom de M. Winston Churchill, je déclare que notre position n'a pas varié. » Comment elle n'a pas varié ? Pourquoi depuis Téhéran, M. Churchill n'a-t-il pas encore osé prendre la parole ? Comment se fait-il que les soviets aient répondu à M. Roosevelt qui offrait sa médiation? La question n'est pas encore mûre. Quand sera-t-elle mûre, je vais vous le dire? Elle sera mûre quand le gouvernement communiste polonais que M. Staline prépare à Moscou sera investi de ses nouvelles fonctions. Il y avait un compromis quelconque ou une victoire alliée, nous serions tous réduits au plus terrible des esclavages. Il vous reste un espoir, je sais bien, pour ne pas vous rendre, c'est d'attendre une paix de compromis, comme vous dites. Vous dites en ça, oui, moi je vois ça comme ça. Moi j'ai l'impression que ça va se finir. Alors, suivant les renseignements que vous avez, ça sera une paix de compromis entre Hitler et Staline, ou bien entre Hitler et Roosevelt, ou entre Hitler et Churchill. Enfin, vous avez là-dessus un certain nombre de combinaisons interchangeables. Vous savez ce que c'est qu'une paix de compromis ? C'est celle dans laquelle deux adversaires fatigués de se battre s'aperçoivent qu'après tout, ils pourraient peut-être s'arranger sans se rien prendre l'un à l'autre et en se payant seulement sur les pays qui sont déjà à terre. Nous avions ce qu'à la demande du maréchal, le vainqueur nous avait laissé. Nous avions nos colonies, nous avions notre flotte, nous avions une armée. Si nous n'avons plus rien de tout cela, est-ce au vainqueur que vous allez vous en prendre? Est-ce lui qui nous l'a ravi? Mais vous avez livré de vos propres mains à des gens qui vous voyaient des alliés et des libérateurs. Tout ce qui vous était resté, c'est pas la peine d'aller maintenant en vous levant, vous regarder dans la glace pour vous trouver beau et intelligent. Parce que vous y verrez simplement le visage de Sganarelle ou de Georges Dandin. Parce que vous apercevrez tout à coup que vous avez joué exactement le rôle de ce bon bourgeois d'Orgon qui installe Tartuffe chez lui jusqu'au jour où celui-ci lui dit « La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir ». Et vous constaterez, comme j'ai dû vous le dire déjà au mois d'avril, mais c'est pour le cas où vous auriez oublié le mot, qu'il n'y a rien de plus dangereux que de jouer les coquettes quand on n'a plus de dot. Pour vous dire, j'ai été avec vous dans les jours glorieux, mais moi je reste avec vous dans les jours sombres, et c'est lui que vous abandonnez. Nous portons le poids de la défaite. Pourquoi ne pas le porter avec la satisfaction de nous dire qu'au moins nous sommes en train de payer notre rançon? Allons-nous perpétuellement compter sur les autres? Allons-nous simplement guetter l'étranger? Vous nous avez dit, je vous le répète, je l'ai dit à Lille, je vous supplie de vous en souvenir, d'ancrer ma formule dans vos esprits et dans vos cœurs. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne, parce que nous pensons qu'il y a là une opération européenne indispensable. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous, mais qui entendons partir de là courageusement pour faire les efforts nécessaires et remonter avec des méthodes françaises, sous des chefs français, pour assurer un relèvement français. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes. Vous qui avez tellement perdu la foi dans votre patrie que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a perdu. Que si vous avez jusqu'à présent tardé, vous ne pouvez plus tarder à faire ce choix dont vous a parlé le maréchal. Il faut que vous compreniez que la vie n'est pas neutre. Il faut que vous compreniez qu'il faut sortir de sa torpeur. Le maréchal disait un jour, avec un sourire mélancolique en présent ma présence, « Les Français me reprochent d'avaler des couleuvres. C'est vrai que j'en avale beaucoup, et je n'ai même pas, moi, la consolation de leur expliquer que chaque fois que je m'y résous, c'est pour leur épargner à eux des mots plus grands que je n'ai même pas la possibilité de leur dire. Alors, jugez mieux. » Jugez plus sainement dans une France dévastée, mais où tant de signes de résurrection se manifestent, la difficulté même de votre tâche donne du prix au moindre de vos efforts. Ne soyez plus spectateur, soyez vraiment acteur par tous les gestes de votre vie, par le courage avec lequel vous acceptez l'épreuve comme une rançon. Vous vous souvenez de ce chevalier français que les Anglais firent prisonnier et dont on disait qu'il n'était pas de femme en France qui ne filât sa quenouille pour payer sa rançon. C'est la France qui est aujourd'hui captive. Qui d'entre vous, mes chers amis, voudrait laisser à d'autres le soin de filer sa quenouille pour payer sa rançon ?